Nombre chapitre 28. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, commande aux enfants d'Israël, et leur dit, vous prendrez garde à mes oblations, qui sont ma viande, savoir, mes sacrifices faits par feu, qui sont mon odeur agréable, pour me les offrir en leur temps. Tu leur diras donc, c'est ici le sacrifice fait par feu, que vous offrirez à l'Éternel, deux agneaux d'un an, sans tare, chaque jour, en holocauste continuel. Tu sacrifieras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les deux vêpres, et la dixième partie d'épha de fine farine pour le gâteau, pétri avec la quatrième partie d'un hin d'huile vierge. C'est l'holocauste continuel, qui a été fait en la montagne de Sinaï, en bonne odeur, l'offrande faite par feu à l'Éternel. Et son aspersion sera d'une quatrième partie d'un hin pour chaque agneau, et tu verseras dans le lieu saint, l'aspersion de cervoise à l'Éternel. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les deux vêpres, tu feras le même gâteau qu'au matin, et la même aspersion, en sacrifice fait par feu, en bonne odeur à l'Éternel. Mais le jour du sabbat vous offrirez deux agneaux d'un an, sans tare, et deux dixièmes de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau, avec son aspersion. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste continuel, avec son aspersion. Et au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel, de vos prix du troupeau, un bélier, et cet agneau d'un an, sans tare. Et trois dixièmes de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau, pour chaque veau, et deux dixièmes de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau, pour le bélier, et un dixième de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau, pour chaque agneau, en holocauste de bonne odeur, et en sacrifice fait par feu à l'Éternel. Et leurs aspersions seront de la moitié d'un hin de vin pour chaque veau, et de la troisième partie d'un hin pour le bélier, et de la quatrième partie d'un hin pour chaque agneau. C'est l'holocauste du commencement de chaque mois, selon tous les mois de l'année. On sacrifiera aussi à l'Éternel, un jeune bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, et son aspersion. Et au quatorzième jour du premier mois, sera la Pâque à l'Éternel. Et au quinzième jour du même mois, sera la fête solennelle, on mangera durant 7 jours des pains sans levain. Au premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez un sacrifice fait par feu en holocauste à l'Éternel, savoir, de vos prix du troupeau, et un bélier, et cet agneau d'un an, qui seront sans tare. Leur gâteau sera de fine farine, pétri à l'huile, vous en offrirez 3 dixièmes pour chaque veau, et 2 dixièmes pour le bélier. Tu en offriras aussi 1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et un bouc en offrande pour le péché, afin de faire propitiation pour vous. Vous offrirez ces choses-là, outre l'holocauste du matin, qui est l'holocauste continuel. Vous offrirez selon ces choses-là, en chacun de ces 7 jours, la viande du sacrifice fait par feu, en bonne odeur à l'Éternel, on offrira cela, outre l'holocauste continuel, et son aspersion. Et au 7e jour vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et au jour des premiers fruits, quand vous offrirez à l'Éternel le nouveau gâteau, au bout de vos semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en holocauste de bonne odeur à l'Éternel, de vos prix du troupeau, un bélier, et cet agneau d'un an. Et leur gâteau sera de fine farine, pétri à l'huile, de 3 dixièmes pour chaque veau, et de 2 dixièmes pour le bélier, et d'un dixième pour chacun des 7 agneaux. Et un jeune bouc, afin de faire propitiation pour vous. Vous les offrirez outre l'holocauste continuel et son gâteau, ils seront sans tare, avec leurs aspersions.